بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد donc aujourd'hui c'est le cours 14 depuis qu'on a commencé Kitab al-Tawhid et avec l'explication du Cheikh Salih al-Fawzan. Aujourd'hui, on continue avec le hadith de Ubadah ibn Samit, radiyallahu anhu. C'est le chapitre 2, après avoir mentionné l'ayah qu'on a lu hier. Al-Alina aman wa lam yalbisu imanahum bi zulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Là, on va lire le hadith de Ubadah ibn Samit. Et c'est pour expliquer le chapitre, le titre du chapitre c'est le mérite du tawhid. Le mérite du tawhid et ce que le tawhid efface de péché. D'accord? Et c'est pour montrer donc l'importance du tawhid et comment le tawhid c'est la base de toute autre action dans l'islam. Et le fait que celui qui dit la ilaha illallah, eh ben, ça va, ça, c'est, yani son mérite, c'est qu'il rentre au paradis, et puis il est protégé de l'enfer. Bien entendu, il y a des conditions, et puis c'est ça qu'on va, de ça qu'on va parler aujourd'hui. Le hadith dont on parle ici aujourd'hui, c'est le hadith de Ubadah ibn Samit, radiallahu anhu, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل أخرجاه. Donc ce hadith là c'est un hadith rapporté par selon Ubadah ibn Samit qui dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui témoigne de la ilaha illallah, c'est-à-dire qui témoigne que rien ne mérite d'être adoré en dehors d'Allah, wahdahu la sharika lah, lui seul et il n'a aucun partenaire, aucun associé, Muhammad wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, et que Muhammad est son esclave, son serviteur et messager, wa anna Isa abdullahi wa rasuluh, et que Isa, c'est-à-dire Jésus, et le serviteur d'Allah et son messager. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam, et sa parole qu'il a envoyée à Maryam, c'est-à-dire qu'il a mis en Maryam. Wa ruhun minhu, et un esprit qu'il a créé. Wal jannatu haqq, et le paradis est véridique. Wal naru haqq, et l'enfer aussi est véridique, il faut y croire. Adkhalahullah, Allah subhanahu wa ta'ala va le faire entrer dans le paradis, s'il a témoigné de ça, de tout ce qu'on a mentionné, Allah va le faire, il va le faire rentrer dans le paradis avec ce qu'il faisait d'action. Et ça c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Maintenant on va lire l'explication détaillée de ce hadith, hein, comment le Cheikh Salih al-Fawzan l'a expliqué en détail. الشيخ الذي من قوله من شهد أن لا إله إلا الله يعني نطق بالشهادة عارفا بمعناها عالما بمقتضاها موقنا بها لأنه لا يكفي التلفظ بالشهادة من غير معرفة لمعناها وكذلك النطق بالشهادة مع معرفة معناها ولكن لا يعمل بمقتضاها هذا أيضا لا يكفي، بل لا بد من النطق والعمل والعمل بمقتضى لا بد من النطق والعلم والعمل بمقتضى هذه الكلمة العظيمة، ليست هي مجرد لفظ يردد على اللسان من غير فهم لمعناها، ولا يكفي العلم بمعناها، بل لا بد من العمل بمقتضاها بأن يفرض الله بالعبادة ويترك عبادة ما سواه، وهذا معنى شهد الله أنه لا إله إلا هو. Donc, qu'est-ce qu'il dit le Cheikh ici? Il dit, en commençant l'explication du hadith, qui dit que celui qui témoigne de la ilaha illallah, c'est-à-dire il témoigne que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah subhanahu wa ta'ala, le Créateur. Yani, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la personne elle doit témoigner avec sa langue en disant la ilaha illallah, mais il faut qu'il sache ça, qu'est-ce que ça signifie. Tu ne peux pas juste dire la ilaha illallah comme ça, et puis tu sais pas ce que ça veut dire et ce que ça implique. D'accord? Donc, comme on explique souvent des fois quand quelqu'un vient pour se convertir à l'islam, quand tu veux signer un contrat, hein, tu vas aller, n'importe quel contrat tu veux signer, on te donne un contrat à signer. Est-ce que tu vas le signer sans lire les clauses, sans lire toutes les choses que implique ce contrat? Il faut que tu lises au complet, sinon tu risques de signer quelque chose et puis en réalité tu sais pas exactement ce que tu signes et donc tu t'embarques dans des problèmes ou dans quelque chose que tu comprends pas ou que tu sais pas. Donc première chose, c'est de connaître la chose que tu vas signer. Donc quand tu dis la ilaha illallah, Allah subhanahu wa ta'ala, il ne va pas l'accepter d'une personne si la personne ne l'a pas dit en pleine connaissance de cause, en sachant exactement ce que ça signifie et ce que ça implique. Si quelqu'un essaie de témoigner, de dire la ilaha illallah, sans savoir exactement ce que ça veut dire, eh bien son témoignage n'a aucune valeur. Son shahada n'a aucune valeur. Et aujourd'hui, dans le monde musulman, le problème des musulmans souvent c'est ça. C'est qu'ils disent la ilaha illallah parce qu'ils sont nés dans des pays musulmans, dans des familles musulmanes, mais ils font un paquet d'affaires dans leur vie de tous les jours, puis dans leurs pratiques religieuses, qui sont même des fois en contradiction avec ce témoignage-là de la ilaha illallah. Hein, et puis ils ne le savent même pas parce qu'ils n'ont pas appris qu'est-ce que ça veut dire la ilaha illallah. Hein, ça on va donner des exemples plus tard de ça. Donc il faut savoir ce que ça signifie et il faut aussi agir en conséquence. C'est-à-dire une fois que tu as compris ce que ça veut dire la ilaha illallah, mais là tu dois l'appliquer, tu dois agir selon ce témoignage-là. Tu peux pas avoir compris sa signification puis après tu fais quelque chose qui est contraire à ce que ça signifie ou qui s'oppose à ce que ça implique. Et il faut également, quand tu le dis, que tu aies la conviction, que tu y crois avec certitude en ce témoignage-là. Donc c'est pas uniquement une parole que tu répètes, comme un perroquet, yani, hein, une personne qui répète une parole sans réellement y croire et sans réellement être convaincu de cette parole-là et sans savoir ce que ça signifie, mais il faut que la personne le dise avec conviction et connaissance. Ensuite, il dit aussi, donc comme on a dit, il faut que tu le dises avec connaissance et il faut l'appliquer, il faut agir en conséquence. C'est pas juste de le dire ou de le savoir, mais il faut l'appliquer et agir selon cette grande signification-là. Donc c'est pas juste une parole qu'on répète, comme on a dit, sans compréhension, il faut la comprendre, la connaître et agir en conséquence. Voilà, le chef il met beaucoup d'emphase là-dessus et puis il le répète plusieurs fois pour que ce soit bien compris, puis que ce soit clair. Donc, qu'est-ce que ça implique ce shahada? En gros, ça implique quoi? Ça implique que Allah seul mérite d'être adoré. Tu dois uniquement adorer ton Créateur, rien d'autre avec lui. Hein? Parce que parmi les hommes, il y a des gens qui adorent toutes sortes de choses en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Des anges, des prophètes, des awliyas, des saints, comme on les appelle, hein, dans le christianisme, il y a toutes sortes, une série de saints, plus que des centaines de saints, que des gens doivent ou peuvent prendre comme intermédiaires entre eux et Allah subhanahu wa ta'ala, un pour chaque jour de l'année. Et certains saints même, ils ont des fonctions spécifiques, comme si tu as perdu ton porte-clé, tu pries Saint-Christophe par exemple, ou bien si tu as par exemple quelqu'un qui est malade, tu vas prier Sainte-Bernadette, parce qu'elle s'occupe des malades. Donc chacun, ils ont un saint spécifique pour les aider. Parmi les musulmans, il y en a qui ont essayé d'imiter la même chose. Ils se sont fait des awliya, et quand ils ont des problèmes, des maladies, des choses qu'ils ont besoin de régler, ça on va voir le wali à sa tombe, et puis là ils lui font des prières, ils vont lui égorger des moutons, ils vont lui faire toutes sortes de trucs, hein, des tawaf, d'autres choses comme ça, pour lui demander des faveurs ou des trucs comme ça. Puis ça, c'est des exemples de choses qui sont en opposition avec le témoignage de la ilaha illallah. Parce que la ilaha illallah, ça implique qu'il n'y a rien qui mérite d'être adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, et que si tu veux demander quelque chose, tu demandes directement à Dieu, sans intermédiaire, sans passer par quelqu'un pour demander quoi que ce soit. Donc, c'est ça ce que ça veut dire. Et c'est ce que ça veut dire quand Allah subhanahu wa ta'ala, il dit par exemple dans le verset 18 dans surat Ali Imran, « Shahid Allah annahu la ilaha illahu ». Allah subhanahu wa ta'ala, il a témoigné lui-même que rien ne mérite d'être adoré excepté lui. « فَإِذَا لَمْ يَنْتِقْ بِهَا فَإِنَّهُ لَا يُحْكَمُ بِإِسْلَامِهِ » Ok. « وَلَوْ كَانَ يَعْرِفُهَا بِقَلْبِهِ وَلَوْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهِ فِي أَعْمَالِهِ وَلَكِنْ أَبَى أَنْ يُنْتِقَ بِالشَّهَادَةِ فَهَذَا لَا يُعْتَبَرُ مُسْلِمًا حَتَّى يُنْتِقُ بِالشَّهَادَةِ لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وكذلك من نطق بها بلسانه ولكنه لا يعتقدها في قلبه هذا أيضا ليس بمسلم بل هو منافق فالمنافقون يقولون لا إله إلا الله وهم في الدرك الأسفل من النار لماذا؟ لأنهم لا يعتقدون معناها. Donc le cheikh explique ici, il dit, une personne également, elle doit non seulement, comme si elle doit le prononcer, ce shahada, ce témoignage-là. Il faut qu'elle le dise avec sa bouche, avec sa langue. C'est pas suffisant juste de dire, je le crois dans mon cœur. Hein. Faut que tu le dises. Parce qu'il y a des gens, par exemple, au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils entendaient la ilaha illallah, et ils savaient que c'était vrai. Mais par orgueil, par arrogance, par fierté, ils refusaient de le dire. Refusaient de dire la ilaha illallah. Même si au fond de leur cœur ils étaient conscients et ils savaient et ils y croyaient et ils savaient que c'était la vérité. D'accord? Et Allah subhanahu wa ta'ala dit ça dans le Coran, innahum idha qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Ils se remplissaient d'orgueil. Donc, ils refusaient de vouloir admettre que c'est seul Allah qui mérite d'être adoré. Et donc, ça prouve que si quelqu'un ne le dit pas avec la bouche, même s'il prétend y croire dans son cœur, ou même s'il croit dans son cœur, mais ça compte pas. Il faut, pour qu'on dise qu'il est musulman, il faut qu'il le dise avec sa langue. Et la preuve de ça, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Umirtu an uqatil an-nas. Allah, comme s'il dit que Dieu l'a ordonné de combattre les hommes jusqu'à ce qu'ils disent que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah. Et de même que c'est pas suffisant juste de le dire avec la langue si tu n'y crois pas dans ton cœur. Parce que si tu le dis avec la langue, mais dans ton cœur tu n'y crois pas, eh ben là c'est comme l'exemple des munafiqin. C'est-à-dire qu'il dit avec sa bouche mais ne croit pas dans son cœur, il n'est pas un musulman. Ok? Parce que les munafiqin, comme par exemple ceux qui disent oui je suis musulman mais dans son cœur il ne croit pas en l'islam, eh ben comme Allah subhanahu wa ta'ala il a dit dans le Coran à leur sujet, eux ils disaient la ilaha illallah, ils faisaient la prière, ils faisaient le jeûne, même des fois ils partaient avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans des expéditions, dans le jihad, hein. Malgré tout ils ne croyaient pas en l'islam, donc c'est des gens qui disaient la ilaha illallah avec leur langue, mais dans leur cœur ils ne croyaient pas en l'islam, et ils souhaitaient du mal pour les musulmans et pour l'islam. Donc ça c'est l'exemple qui prouve que tu ne peux pas juste le dire avec ta langue sans y croire dans ton cœur. Et ceux-là, les hypocrites, les munafiqoun, sont dans le plus bas niveau de l'enfer. C'est les gens qui seront dans l'enfer, au plus bas niveau de l'enfer. Parce que l'enfer, c'est pas un seul et même endroit. Il y a des degrés dans l'enfer, il y a des niveaux. Hein? Comme le paradis. Le paradis, ce n'est pas juste une seule place avec, où tout le monde est ensemble au même niveau. Dans le paradis, il y a des degrés. Plus tu as fait de bonnes œuvres, plus tu as bien agi, plus tu as cru en Dieu, plus tu seras haut dans le paradis, plus tu auras de récompenses. Mais ceux qui sont dans l'enfer, la même chose. Plus ils sont bas, plus ils sont dans un châtiment plus dur. Donc, ceux qui sont parmi les plus durs dans le châtiement, c'est ceux qui ont été les hypocrites. Ils ont dit avec la bouche, moi je suis musulman, ils ont dit la ilaha illallah, mais ils n'ont pas cru en l'islam dans leur cœur. Ils ont fait ça pour différentes raisons, soit pour avoir un privilège parmi les musulmans, hein, pour pouvoir marier une musulmane, ou bien pour pouvoir, parce que par exemple ils vivent parmi une société musulmane, ils veulent profiter des avantages que ça apporte d'être musulman, mais au fond de leur cœur ils disent non, moi je crois pas en l'islam, hein, mais ils refusent de le dire ouvertement parce qu'ils ont peur des conséquences de ça. Et ça, il y en a beaucoup dans les pays musulmans comme ça. Des fois, il y a des gens qui, par exemple, ont dit, bon, moi, si il y en a qui ne croient pas en l'islam, ils disent, non, moi, je ne crois pas en l'islam, mais si je dis que je ne crois pas en l'islam, bon, j'aurai des problèmes. Donc, ils le cachent. Ils font semblant qu'ils sont musulmans comme tout le monde. Puis après, ils aident à travailler contre l'islam. Ils aident les non-musulmans qui veulent faire du tort aux musulmans, tu vois, indirectement, tu vois, par en dessous, ils font du tort aux musulmans. Donc, ça c'est l'exemple des gens qui sont des munafiqins. C'est pour ça, et le cheikh a dit, pourquoi ils sont dans le plus bas de l'enfer? Pourquoi ils seront plus bas dans l'enfer? Parce qu'ils n'ont pas cru à la réelle signification de la ilaha illallah. Et il dit comme par la suite, il dit, « وَعُبَّادَ الْقُبُورَ الْيَوْمِ الذين يقولون لا إله إلا الله بألسنتهم ولكنهم لا يعملون بمقتضاها بل يعبدون القبور والأضرحة ويدعون الأولياء والصالحين فهم أقروا بها لفظا وخالفوها معنا فالمشركون جحدوا لفظها ومعناها والقبوريون أقروا بلفظها وجحدوا معناها وهم سواء. Donc, il donne des exemples de certaines personnes aujourd'hui parmi les musulmans, dans le monde musulman, qui adorent les tombes. Ils vont aux tombes des hommes pieux, des hommes saints qui sont morts, et ils vont les implorer, ils vont les invoquer, ils vont les adorer en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Aujourd'hui, donc, ces gens-là, ils se disent musulmans, font la prière, font le jeûne, comme tout le monde, hein. Et ils disent la ilaha illallah. Toutefois, ils le disent uniquement avec leur langue, parce que dans leurs actions, dans leur pratique de la religion, ils font ce qui s'oppose au témoignage de la ilaha illallah. Et donc, le cheikh, il dit, ceux qui font ça, qui adorent les hommes pieux, même des fois, c'est même pas des hommes pieux, hein, c'est des hommes à qui on a attribué la piété, mais en réalité, c'était des menteurs, hein, c'était des shayatin al-ins. Donc, ceux qui font ça, ils ont, comme par exemple, il dit par exemple, ils ont accepté de le dire avec la parole, mais ils ont refusé, ils ont rejeté sa signification. Ils ont rejeté la signification de la ilaha illallah. C'est comme les mushrikis au temps du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ceux qui adoraient les idoles au temps du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Eux, ils refusaient de le dire et ils refusaient de l'appliquer. Hein, les idolâtres au temps du prophète, alaykoum salam wa rahmatullah. Les idolâtres au temps du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ils refusaient de dire la ilaha illallah et ils refusaient d'appliquer la ilaha illallah, c'est-à-dire ils continuaient à adorer les idoles. Eh bien, aujourd'hui, ceux qui se disent musulmans puis qui adorent les awliyas et les saints puis les tombes, eux, ils se contredisent. Parce qu'ils disent la ilaha illallah avec la bouche, mais ils se contredisent parce que dans la signification, ils le contredisent dans leurs actions et dans leurs pratiques religieuses. Donc ça montre la contradiction qui existe. Et c'est ça que le cheikh explique en fait, il dit qu'en réalité il n'y a aucune différence entre les mushrikins du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui refusaient de dire la ilaha illallah parce qu'ils voulaient pas abandonné leurs idoles, et ceux qui aujourd'hui disent « La ilaha illallah » mais continuent d'adorer autre que Allah. Il n'y a pas de différence entre les deux, même si ils continuent de dire « La ilaha illallah ». Parce que quand tu dis « La ilaha illallah », qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu dois arrêter d'adorer autre que Allah. Hein? C'est comme ça si quelqu'un, par exemple, aujourd'hui veut devenir un musulman, un hindou ou un chrétien, ou n'importe quelle religion, quelqu'un dit « Moi, je veux rentrer dans l'islam ». Eh bien, ça implique que s'il dit « La ilaha illallah », il doit cesser de prier Jésus, Marie, Joseph et les autres saints. S'il dit « La ilaha illallah », puis le lendemain, il retourne à l'église, puis continue à prier, à demander à Jésus, demander à Marie, demander aux prêtres, demander aux saints, ou quand il a besoin de se demander le pardon, il s'en va voir le prêtre, il va se confesser, le prêtre va lui dire vas-y, je te pardonne, des choses comme ça. Mais ça montre que la personne n'a pas compris réellement la ilaha illallah, parce que s'il avait compris la ilaha illallah, il ne serait pas retourné encore faire le shirk. Et aujourd'hui, c'est ça que beaucoup de musulmans ne comprennent pas. Ils pensent que si c'est un non-musulman qui fait le shirk, ça c'est haram. Mais si c'est un musulman qui fait le shirk, c'est correct parce qu'il est musulman. Ou bien parce qu'il dit la ilaha illallah. Donc c'est ça la contradiction, beaucoup de gens ne comprennent pas. Hein? Il y a des shuyukh, ce qu'on appelle des shuyukh, parmi les soufis, hein? Tu les vois avec des longues barbes blanches, hein? Et des turbans et puis des vêtements blancs, hein? Tu les vois comme ça, ils ont une allure de piété, hein? Tout le monde les voit, tout le monde qui les voit, ils ont du respect pour eux, ils leur embrassent les mains et les pieds, hein? Puis ils appellent ces hommes-là à adorer autre que Allah, à prier les tombes et à adorer les awliya. Donc c'est ça, c'est des gens qui disent la ilaha illallah, mais ils contredisent la signification de la ilaha illallah. Donc c'est pas juste l'apparence qui compte le plus, mais c'est la signification, de comprendre le sens de la religion, qu'est-ce que ça veut dire cette religion-là, qu'est-ce que ça veut dire la ilaha illallah. Quand le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est arrivé aux hommes, au début, quand il a commencé sa da'wa, quand il a dit quand il a appelé les hommes à dire la ilaha illallah, les gens de son époque, les mouchriquins, ceux qui adoraient les idoles, ils ont tout de suite compris qu'est-ce que ça signifiait, qu'est-ce que ça impliquait. Et ils ont refusé de le dire. Hein? Après, le temps a passé, l'islam s'est répandu un peu partout dans le monde, et des gens de toutes les religions différentes se sont convertis à l'islam, ils sont rentrés dans la religion musulmane, hein? Et bien entendu, il y en a qui sont rentrés sincèrement, avec croyance, avec connaissance, avec foi, et qui ont changé leur façon de vivre et leur croyance qu'ils avaient avant l'islam. Mais il y en a d'autres qui sont rentrés dans l'islam, il y en a qui ont dit la ilaha illallah, mais ils étaient ignorants de ce que ça signifiait. Ou bien par hypocrisie, sont rentrés dans l'islam, mais ils n'y croyaient pas réellement. Et donc ils ont incorporé dans l'islam des pratiques et des croyances qu'ils avaient avant l'islam. Ils ont mélangé les deux. Et donc, c'est pour ça qu'on retrouve dans différents pays du monde musulman, plein de pratiques, plein de croyances qui sont même en opposition avec l'islam, avec les fondements de l'islam. Et c'est pour ça qu'il y a toujours eu des ulama qui sont venus à différentes périodes pour essayer de ramener les musulmans, pour leur dire, écoutez, revenez à la bonne compréhension de la ilaha illallah. Apprenez les fondements de votre religion comme il faut. Cessez de pratiquer ces exemples et ces pratiques et ces coutumes qui sont en opposition avec les fondements de l'islam. D'accord? Et donc c'est ça que le cheikh il nous clarifie maintenant, il nous explique ces choses-là. Donc, il dit après, وَكَذَلِكَ الْمُنَافِقُونَ تَلَفَّظُوا بِهَا وَلَكِنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا فِي قُلُوبِهِمْ أَيْضًا هُمْ سَوَاءٌ بل هم شر من الكفار قال تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا وهم ينطقون ويقولون لا إله إلا الله ويصلون ويصومون ولكن لما كانوا منكرين بقلوبهم غير معترفين بها بقلوبهم وإنما قالوها لأجل المصالح الدنيوية فقط Donc, comme le cheikh l'explique, il dit, que les hypocrites également, comme on a dit tout à l'heure, ils le disent avec la langue, mais ils ne le croient pas dans leur cœur. Donc ils sont eux aussi égaux aux mushrikim et aux kuffars. Et en plus, même les cheikhs ils sont pires même que les non-croyants, que les kuffars, parce que ils seront dans le plus bas de l'enfer. Et pourtant, ils disent la ilaha illallah. Et ils prient. Et ils jeûnent. Alors qu'ils rejettent ça dans leur cœur. Donc ça, c'est la preuve que tu peux pas juste dire la ilaha illallah, hein, puis penser que tu es musulman. Il faut que tu le dises et que tu y crois sincèrement, et que tu l'appliques. Hein, donc, comme on a dit tout à l'heure, les munafiqin, ils n'y croient pas dans leur cœur et ils le disent uniquement pour des intérêts matériels dans cette vie, seulement, pour rien d'autre. Il y a des gens aujourd'hui, par exemple dans les pays musulmans, ils rejettent plein de règles de la religion musulmane. Quand tu les vois, par exemple, ils parlent, ils disent « Ah non, moi je crois pas en ça, je crois pas en la polygamie, je crois pas en, par exemple, les règles de la charia. » Je crois pas en ci, je crois pas en ça. Ils choisissent ce qu'ils veulent et ce qu'ils ne veulent pas dans la religion, comme si c'était, t'as dit Yarhamkallah. Non, c'est moi qui dis Yarhamkallah. T'as dit Alhamdulillah. Ah, ok. Donc c'est ça. Ils disent non, moi je crois pas en ça, je crois pas en ça. Ils choisissent qu'est-ce qu'ils aiment dans la religion, ils l'acceptent. Et qu'est-ce qu'ils aiment pas, ils le rejettent. Hein, ça c'est des munafiqins. Ou bien c'est des ignorants, ou bien c'est des munafiqins. Parce que la religion, tu l'acceptes en entier, au complet. Tu acceptes tout. Ou bien tu rejettes. Tu l'acceptes tout, mais tu rejettes tout. Tu peux pas choisir ce que tu aimes et ce que tu aimes pas. Parce que tout dans cette religion-là, ça vient de Dieu. Ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a rien qui est mauvais de toi. Il n'y a rien qui est pas bon de toi. Même si parfois tu penses à certaines choses, tu vois certaines choses dans la religion, tu ne les comprends pas, ou tu ne sais pas pourquoi, tu ne vois pas la sagesse. Mais c'est justement, si tu ne la comprends pas, si tu ne l'acceptes pas, c'est à cause de ton manque de compréhension, ton manque de connaissance. Donc dans ce temps-là, cherche, lis, apprends, fais des recherches plus approfondies pour essayer de comprendre la sagesse qui peut être dans ces règles-là. Mais rejette pas d'une façon ignorante comme certains font. Essaie de comprendre, de chercher pour essayer d'aller plus profondément dans la connaissance de la religion. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا الى الجنة. Celui qui cherche une connaissance, c'est-à-dire celui qui va suivre ou qui va prendre un chemin dans lequel il va acquérir de la connaissance, eh bien Allah va lui faciliter un chemin vers le paradis à cause de cette connaissance-là. Donc le chemin de la connaissance, c'est le chemin du paradis. Si tu veux adorer Allah subhanahu wa ta'ala comme il faut, cherche la connaissance. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit « Man yuridillahu bihi khayran yufaqihhu fi d-din » Celui pour qui Allah subhanahu wa ta'ala, ou celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala veut du bien, il lui donne la compréhension de la religion. Donc, cherche la compréhension de la religion, cherche le fiqh dans la religion et la connaissance de la religion, et tu vas voir que c'est une façon que tu vas être capable de t'approfondir, de te rapprocher plus d'Allah subhanahu wa ta'ala, de l'adorer mieux, et puis de mieux comprendre sa religion, d'accord. Donc, une des meilleures façons de se protéger de l'hypocrisie puis de l'égarement, c'est d'apprendre et d'essayer de comprendre et de se soumettre à la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala et à la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Après, le cheikh il dit « فالحاصل أنها كلمة عظيمة لكن لا بد أن يتوفر ولكن لابد أن يتوفر أولا النطق بها ثانيا العلم بمعناها وثالثا العمل بمقتضاها. Donc ça c'est une grande parole. La ilaha illallah, c'est la plus grande parole dans l'islam. Mais pour qu'elle ait réellement sa valeur, il faut qu'elle soit accompagnée de trois choses. Premièrement, il faut qu'on la prononce avec notre bouche. Deuxièmement, il faut qu'on sache qu'est-ce qu'elle signifie. Et troisièmement, il faut qu'on agisse selon ce que ce témoignage implique. Et pas le contraire. ومعنى لا إله إلا الله نفي العبادة عما سوى الله وإثباتها لله يعني إبطال عبادة كل ما سوى الله وإثبات العبادة لله فقوله لا إله إلا الله هذا إبطال لجميع المعبودات من دون الله وإنكار لها إلا الله هذا إثبات لعبادة الله سبحانه وتعالى فعلى هذا معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق أو لا معبود حقا إلا الله donc le Cheikh maintenant il explique qu'est-ce que ça veut dire la ilaha illallah. Cheikh il dit la signification de la ilaha illallah c'est de nier tout ce qui est adoré en dehors d'Allah et d'affirmer que c'est seul Allah qui mérite d'être adoré. Hein? Donc c'est pour rendre nulle l'adoration de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala et d'affirmer que cette adoration-là doit être uniquement pour Allah. Cette parole, c'est la base de l'islam. Il n'y a rien qui est plus important dans l'islam que cette parole-là. La ilaha illallah. Tout le reste est bâti, oui. Repose, tout le reste de l'islam repose sur ça. Il n'y a rien dans l'islam qui est plus important que ça. C'est la clé du paradis. C'est la base de toute chose. Tout le reste de tes actions que tu fais dans l'islam, s'il n'est pas établi sur ça, s'il n'est pas bien compris, toutes tes actions n'ont aucune valeur. Ton jeûne, tes prières que tu fais 5 fois par jour, tes invocations, tes dua, ton dhikr, ton hajj, peu importe, n'importe quelle chose, tu vas donner de l'argent, tu vas donner des millions de dollars pour aider les pauvres, tu vas faire n'importe quelle bonne action tu vas faire, aider les malades, peu importe ce que tu vas faire, toutes ces actions-là, si elles ne sont pas basées sur une bonne compréhension de la ilaha illallah, et si elles ne sont pas faites en accord avec les principes de la ilaha illallah, tout ça, ça n'a aucune valeur pour toi au jugement dernier. Tu vas arriver devant Dieu, tu vas dire, oh Allah, j'ai tout fait. J'ai fait mes prières, j'ai fait mon jeûne, j'ai fait mon hajj, j'ai fait du bien, j'ai donné de l'argent aux pauvres, j'ai aidé les malades, hein. J'ai fait tout ce que tu m'as demandé. Allah va dire, tout ça, c'est de la poussière. Ça ne vaut rien. Parce que tu l'as pas fait pour moi seul. Tu l'as fait pour d'autres. Hein? Tu as associé d'autres avec moi dans ton adoration, ça n'a aucune valeur, tu vois, c'est la base de l'islam, la ilaha illallah, il n'y a rien qui passe en avant, hein? Pourtant quand on lit, quand on entend parler de l'islam à la radio ou à la télé, quand on lit l'islam dans les livres qui sont écrits dans les magazines ou quoi, ils ne parlent jamais de la ilaha illallah, ils parlent seulement des autres affaires de l'islam, des autres aspects de l'islam, jamais de la base de l'islam. Hein, comme si c'était une chose secondaire. Alors c'est pour ça que c'est important de faire comprendre aux gens qu'il n'y a rien qui passe devant ça. Rien qui passe devant la ilaha illallah. C'est la base de tout. Ok? Donc c'est pour ça l'importance de le comprendre. La ilaha illallah, il a deux parties. Une affirmation et une négation. La ilaha, c'est la négation. Il n'y a rien qui mérite d'être adoré. Illallah, c'est l'affirmation. Ça veut dire accepter Allah. C'est juste Dieu qui mérite d'être adoré. Donc il dit فعلى هذا المعنى, hein. Donc ça veut dire il n'y a rien qui mérite d'être adoré excepté Allah. Et tu peux pas dire il n'y a que Dieu. Hein. Il n'y a de Dieu que Dieu. Certains traduisent la phrase la ilaha illallah, ils le traduisent comme en disant il n'y a pas de Dieu excepté Allah. Où il n'y a de Dieu que Allah. Où il n'y a, et il faut adorer Allah. Hein. Des façons comme ça, comme ils traduisent. Ou bien il n'y a de créateur ou de maître que Allah. Et ça, c'est faux. Il y a tout ça. Le Cheikh, il dit, هذا لو قل أما لو قلت معناها لا معبود إلا الله نقول هذا ضلال عظيم إنك أدخلت كل المعبودات وجعلتها هي الله وجعلت الأصنام والأضرحة والكواكب وكل ما عبد من دون الله هو الله وهذا غلط وهو مذهب أهل وحدة الوجود فلا بد أن تأتي بكلمة حق لأن المعبودات على قسمين معبود بحق ومعبود بالباطل المعبود الحق هو الله والمعبود بالباطل هو ما سوى الله من كل المعبودات قال الله تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير Qu'est-ce qu'il dit le chef? Il dit, comme on a dit, il y en a qui disent que la signification de la ilaha illallah, c'est il n'y a de Dieu que Dieu. J'ai lu ça dans des livres des fois. Il n'y a de Dieu que Dieu. Ou bien, il n'y a de Dieu que Allah. Ou il n'y a de divinité que Allah. Et ça, c'est faux. Ça implique quelque chose de faux, complètement faux. Parce que ça implique que tout ce qui est adoré, c'est Dieu. Ça implique que tout ce qui est adoré par les hommes, c'est Dieu. Ça, c'est faux. C'est-à-dire, les idoles, les étoiles, les astres, le soleil, la lune, les êtres humains, les prophètes, les anges qui sont adorés par les hommes, ça implique que tout ça, ça fait, c'est Dieu. Et ça, c'est faux, Yann. Hein? Quand tu dis la ilaha illallah, quand tu le traduis, tu dois dire Tu ne dois pas dire il n'y a de Dieu que Dieu, ou bien il n'y a de divinité que Dieu. Tu dis il n'y a rien qui mérite d'être adoré, excepté Dieu. Bihaq. Ouais. Exactement. Voilà, c'est ça la différence. Parce que si tu rajoutes bihaq, c'est pour spécifier que il y a deux, comme le cheikh l'explique, il y a deux formes de divinité. Il y a deux formes de ma'boudat. Al-ma'boud bi-haq, ou al-ma'boud bi-batil. Il y a celui qui est adoré en vérité, c'est Allah, c'est lui seul qui mérite d'être adoré, c'est lui qui a seul le droit d'être adoré, et il y a ceux qui est adoré de façon qui est fausse, et c'est tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Les choses que les hommes adorent en dehors d'Allah sont toutes fausses, parce qu'elles n'ont pas le droit d'être adorées, elles ne méritent pas d'être adorées. Elles n'ont aucune qualité divine qui leur donne, ou qui leur donne le droit, ou qui font qu'elles méritent de l'adoration. D'accord? Donc, souvent je donne des exemples comme ça. Il y a peut-être un être humain qui va décider qu'il veut adorer ce stylo, ou ce crayon. D'accord? On dit ça c'est mon Dieu. Il va prendre ça comme un intermédiaire. Ou bien il va le mettre dans son cou comme un porte-bonheur. Il va dire si je mets ce stylo là, comme ça là, je l'accroche, rien va m'arriver. Il va me protéger. Il n'y a pas personne qui peut me faire de mal. S'il croit ça, il est mouchrik. Il a associé avec Dieu quelque chose. Parce que ce stylo il n'a pas de pouvoir même pour lui-même. Si je décide de le casser, maintenant, il ne peut pas se protéger. Il n'y a rien qui peut m'empêcher de le casser, d'accord? Donc, il ne peut pas se protéger lui-même et encore moins protéger quelqu'un d'autre. Et ça, c'est pas seulement pour ce stylo, mais c'est pour toute autre chose que les hommes peuvent adorer en dehors d'Allah. Hein? Donc, ils ne méritent pas d'être adorés. Et les autres choses en dehors de ça aussi ne méritent pas d'être adorées, excepté Allah, le Créateur. D'accord? Donc, ça c'est très important de comprendre qu'il ne faut pas seulement dire qu'il n'y a de divinité que Dieu, mais il faut dire qu'il n'y a pas de divinité qui mérite d'être adorée, excepté Allah, excepté Dieu. Les autres divinités que les hommes adorent, elles ne méritent pas d'être adorées. Elles ne sont même pas des divinités. Elles sont des divinités dans le sens que les hommes les adorent, mais elles ne sont pas des divinités en réalité ou en vérité. Elles sont des fausses divinités. Et Allah SWT a dit ça dans le Coran. Allah appelle ce que les hommes adorent des divinités. Allah dit wa ya'buduna min dunillahi dans sourate al-Furqan wattakhadhu min dunihi alihatan la yakhluquna shay'an wa hum yakhluqun ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. C'est-à-dire, ils adorent en dehors de lui, c'est-à-dire en dehors d'Allah, des alihas. Alihah, c'est le pluriel de ilah. Quand on dit la ilaha illallah, le pluriel, c'est alihah. Ok? Donc, ya'buduna min dunillah, وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ. C'est-à-dire les divinités qu'ils adorent en dehors d'Allah, ok, elles ne peuvent même pas créer, et elles sont créées elles-mêmes. Tout ce que les hommes adorent en dehors d'Allah est créé, parce que ce sont des créatures, hein, et elles ne peuvent pas faire du mal, elles ne peuvent même pas faire du mal ni du bien. Elle ne peut pas profiter ou nuire à quiconque, hein. Et même, elle peut même pas se nuire, elle peut même pas se profiter à elle-même, ces divinités-là que ces hommes adorent. Excepté par la permission d'Allah, hein. Et elle ne possède pas la vie ni la mort. Et elles ne peuvent pas faire ressusciter quelqu'un qui est mort. C'est seulement Allah qui a ce pouvoir-là. Ok? Et c'est comme ça qu'on peut distinguer entre la différence entre Allah et le reste des fausses divinités. Maintenant, par exemple, on regarde au sujet à ce sujet-là, quand on parle d'Allah subhanahu wa ta'ala et du fait qu'il est le seul qui mérite d'être adoré, et puis on voit par exemple, quand Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce verset-là, il dit « وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ » آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. On voit que, par exemple, les êtres humains, dans toutes les religions qui ont été ramenées en dehors de la religion du prophète, l'erreur qu'ils ont toujours commise à travers les siècles, c'est qu'ils ont mélangé entre le créateur et la créature. Ok? Donc, l'islam, c'est la religion qui te dit, hein, l'islam qui veut dire la soumission à Allah, c'est la religion qui te dit, si tu veux adorer, adore uniquement le créateur. Et n'adore pas la créature. Et ne passe pas par une créature pour adorer Dieu. Adore Dieu, le créateur, directement et lui seul. Maintenant, si tu regardes les autres religions et les autres croyances, ils ont tous pris des créatures comme divinités. Ou ils sont passés par des créatures pour aller à Dieu. Hein, dans certaines religions, ils te disent, tu ne peux pas prier Dieu sans passer par quelqu'un. Hein, si tu pries Dieu direct, ils disent, Dieu ne va pas l'accepter. Il va seulement l'accepter si tu passes par une créature. Donc c'est comme ça qu'ils ont ramené l'idolâtrie. Pourquoi tu peux pas passer par Dieu direct? Hein? Leur argument c'est quoi? C'est que ils disent, nous on a fait des péchés, on est faible, on a des péchés et on n'est pas pur. Tandis que ces êtres-là sont purs, sont très pieux, sont proches de Dieu. Donc eux ils peuvent ramener nos prières. Mais nous, on peut pas directement. Dieu va pas nous accepter. Donc ça, c'est le mensonge qu'ils ont inventé à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah n'a pas besoin d'intermédiaire. Allah nous connaît mieux que cet intermédiaire-là. Parce que cet intermédiaire-là, c'est Allah qui l'a créé. Un être humain dans la vie, dans cette vie ici, là, eux, ils ont fait cette comparaison-là entre les hommes. Ils comparent Dieu à un être humain. C'est pour ça qu'ils font cette erreur-là. Ils se sont imaginés et ils ont dit que le roi, il a besoin d'un ministre, il a besoin de quelqu'un qui va nous présenter quand on veut aller lui parler, parce qu'il ne nous connaît pas. Donc, on a besoin de cet intermédiaire-là, on le connaît pas, lui, non plus. Donc, lui, il va aller parler avec le roi, il va dire, écoute, moi, lui, c'est mon ami, ou c'est les proches et tout, est-ce que tu veux le recevoir, ou l'aider? Et là, lui, le roi, il va dire, ok, fais-le venir. Ça, c'est un être humain. Tandis que Allah, c'est pas comme ça. Hein? Premièrement, Allah, lui, premièrement, le roi, un être humain, il te connaît pas. Allah, lui, il te connaît. te connaît mieux que personne. Il te connaît mieux que tu te connais toi-même. Il n'a pas besoin de quelqu'un pour te présenter. Et non seulement ça, le roi il a besoin de son ministre pour l'aider. Le roi tout seul, hein, si les sujets du roi décident d'arrêter de le servir, maintenant ils disent non ça y est on t'aide plus, on travaille plus pour toi, on fait plus rien que tu nous ordonnes, le roi il est fini, il peut plus rien faire. Dieu c'est pas son cas. Il y a personne qui a une faveur sur Dieu, hein. Il y a personne qui, le roi lui, les hommes ils ont des faveurs avec lui par exemple. Par exemple quelqu'un lui a rendu service, quelqu'un lui a sauvé la vie. Ben, pour être reconnaissant envers cette personne, il va lui faire une faveur. Il y a personne qui a rendu service à Dieu, ou qui peut rendre service à Dieu, qui fait que Dieu a une faveur à rendre à quelqu'un. Hein? Donc Dieu, il est au-dessus de tout. Et puis, il n'est pas comparable à des êtres humains faibles, créés. Donc, cette comparaison qu'ils ont ramenée, c'est une fausse argument qu'ils ont ramené pour justifier l'idolâtrie qu'ils font. Hein? Il n'y a rien qui justifie ça. Et c'est pour ça que le Cheikh il dit, le seul qui mérite d'être adoré, c'est Allah. Et tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, c'est le mensonge. C'est pour ça que Allah dit dans le verset 62 en Surah Al-Hajj, ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهُ هُوَ الْحَقِّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ. Ça c'est parce que Allah c'est lui qui est la vérité. Et ce que les hommes invoquent en dehors de lui est le faux, c'est le mensonge, hein, c'est la fausseté. Et Allah, c'est le très haut et le très grand. Et ça veut dire la ilaha illallah, c'est-à-dire que c'est seulement Allah qui est la vérité. Comme on a dit souvent, ça prouve que c'est pas suffisant juste de dire la ilaha illallah, c'est pas suffisant juste de dire que tu crois en Dieu. Il y a beaucoup de gens qui disent « ouais, moi je crois en Dieu », mais ils ne rejettent pas ce qui est adoré en dehors d'Allah. Il dit « tout le monde a le droit d'adorer ce qu'il veut ». Lui, il adore Jésus, lui, il adore Bouddha, lui, il adore Krishna, lui, hein, chacun adore ce qu'il veut. Réalise pas que ça, c'est pas suffisant pour être un musulman. Pour être un musulman, tu dis « la ilaha illallah », ça implique quoi? Ça implique que tu crois en Allah, lui seul, que tu l'adores lui seul, et que tu rejettes tout ce qui est adoré en dehors de lui, c'est-à-dire tout ce qui est adoré en dehors de lui, tu dis c'est un mensonge, c'est faux, c'est pas vrai. Et il ne doit pas être adoré par les êtres humains. D'accord? Donc c'est pas une question comme certains qui disent aujourd'hui, hein, donnant, donnant. Toi tu adores ce que tu veux, moi j'adore ce que je veux. Non. Tu dois croire que ce que les autres adorent est faux. Sinon, tu n'as pas réellement cru en Allah. Tu n'as pas réellement accepté l'unicité d'Allah. وحده لا شريك له كلمتان جاء بهما للتأكيد. وحده تأكيد للإثبات لا شريك له تأكيد للنفي. فهما كلمتان مؤكدتان للا إله إلا الله. ولما فيها من النفي والإثبات. Donc le cheikh il explique que quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit que tu témoignes de la ilaha illallah, souvent après avoir dit la ilaha illallah il dit wahdahu la sharika la, c'est lui seul et il n'a pas d'associé. Ça le cheikh il dit que c'est deux mots qui sont rajoutés pour confirmer la signification de la ilaha illallah, parce que comme on a dit, la ilaha c'est la négation. Et c'est, quand tu dis la sharika la, ça confirme la ilaha. Hein? C'est-à-dire, il n'y a aucune chose qui mérite d'être adorée. C'est la même signification que quand tu dis il n'a pas de partenaire, il n'a pas d'associé. Et illallah, ça c'est quand tu dis wahdahu. Wahdahu, c'est lui seul. Hein? Et tu dis illallah. Illallah, c'est accepter Allah. Donc lui seul, c'est la confirmation de l'affirmation. Okay. Et ensuite le chef il continue, il dit وهذه الكلمه كلمه عظيمه جاءت في القران بلفظها وجاءت بمعناها كما في قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون وجاءت بمعناها مثل قوله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وقوله إنني براء هذا هو معنى النفي لا إله إلا الله إلا الذي فطرني هذا هو معنى الإثبات بمعنى إلا الله يعني فهي كلمة عظيمة Ok, maintenant le cheikh il explique que la ilaha illallah dans le Coran, dans le Coran, on le retrouve tel quel, hein, prononcé tel quel, la ilaha illallah, puis on le retrouve également mentionné dans sa signification. Hein. Comme par exemple, il donne des exemples dans le verset, dans surat Muhammad, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit « Fa'alam annahu la ilaha illallah » Sache que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah. Et puis aussi, il dit dans surat Safat, versets 35 et 36, à propos du mushrikin, comme on a dit tout à l'heure, lorsqu'on leur disait de dire la ilaha illallah, ils s'enflaient d'orgueil, ils devenaient arrogants et fiers. Et ils disaient, est-ce qu'on va abandonner nos idoles pour un poète fou? Hein, ils traitaient le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de poète fou. C'est comme ça qu'ils le traitaient de nom. Et également, c'est mentionné dans d'autres versets, la ilaha illallah est mentionné, mais non pas textuellement, comme littéralement, mais dans son sens, dans sa signification. Comme par exemple, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, à propos de Abraham, hein, lorsque Abraham a dit à son père et à son peuple, je me désavoue, je rejette tout ce que vous adorez, excepté celui qui m'a créé. Hein, donc ça c'est la même signification que la ilaha illallah, ce que tu dis, il n'y a rien qui mérite d'être adoré excepté Allah, et lui il dit, je me désavoue de ce que vous adorez, excepté celui qui m'a créé, donc c'est la même signification que la ilaha illallah, parce que quand il dit innani bara, je me désavoue, ça c'est la négation, c'est comme si tu dis la ilaha, illa alladhi fatarani, excepté celui qui m'a créé, c'est comme si tu fais l'affirmation, c'est-à-dire excepté Allah. D'accord? Ensuite, il continue et il dit, wa qawluhu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Donc, dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après avoir mentionné la ilaha illallah, il mentionne qu'il faut témoigner de wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. C'est-à-dire que Muhammad, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, est son serviteur et son messager. يدل هذا يدل على أنه لا يكفي شهادة أن لا إله إلا الله بل لا بد معها من شهادة أن محمدا رسول الله فلو شهد أن لا إله إلا الله وأبى أن يشهد أن محمدا رسول الله لم يدخل في الإسلام لأن هذه قرينة هذه كما في الآذان وفي الإقامة وفي الخطب وإذا جاءت لا إله إلا الله وحدها تدخل فيه شهادة أن محمدا رسول الله ضمنا. Donc, le Cheikh explique ici, il dit que c'est pas suffisant juste de dire la ilaha illallah, il faut aussi témoigner de Muhammad abduhu wa rasulullah. Il faut témoigner que Muhammad est le messager, le serviteur et le messager d'Allah. Hein? Donc, si quelqu'un disait juste la ilaha illallah, il refusait de dire Muhammad rasulullah, il ne serait pas considéré comme étant, comme ayant entré dans l'islam. Il ne serait pas considéré comme étant musulman. Il faut que la personne témoigne des deux. Et dans plusieurs aspects dans l'islam, on les mentionne toujours ensemble. Comme dans l'azan, dans l'iqama, hein, l'azan quand on fait l'appel à la prière, quand on fait l'iqama, l'appel pour dire que la prière commence, quand on fait les discours, quand on yani dans beaucoup d'occasions on dit toujours la ilaha illallah Muhammad Rasulullah et lorsque la ilaha illallah vient tout seul sans la mention de Muhammad Rasulullah et bien Muhammad Rasulullah est impliqué hein, le témoignage de Muhammad Rasulullah est impliqué indirectement ensuite il explique maintenant qu'est-ce que ça veut dire Muhammad Rasulullah ou Muhammad Abduhu wa Rasuluh c'est-à-dire son messager et son serviteur. Il dit « هذا نفي للإفراط والتفريط عبده هذا نفي للإفراط والغلو في حق الرسول صلى الله عليه وسلم بجعل شيء له من الربوبية كما يعتقد المخرفون فالرسول صلى الله عليه وسلم عبد ليس له من الربوبية شيء وقد سماه عبدا في أشرف المقامات في مقام الوحي وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا وفي مقام الإسراء سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام وفي مقام الإنزال الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب وتبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا وفي مقام التحدي إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فهو عبد لا يعبد رسول لا يكذب بل يطاع ويتبع فليس له من العبادة شيء. Donc le Cheikh il explique que quand le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il faut témoigner de Mohammed Rasulullah, pour dire que faut témoigner que Mohammed est son messager et son serviteur et son messager, ça c'est pour protéger ou éviter les deux extrêmes. Ok? Parce que il y a, comme le chef va expliquer, il y a des gens qui exagèrent à propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam au point de l'élever et de faire de lui quelqu'un qui partage des qualités divines ou qui partage du pouvoir de Dieu. Et ça c'est un extrême et c'est quelque chose qui est complètement faux. Yani. Donc le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le prophète il a spécifié qu'il est son serviteur, son esclave, c'est justement pour montrer qu'il ne faut pas l'élever à un niveau plus haut qu'un créateur et un esclave. Il est juste un esclave et un serviteur de Dieu. Il ne faut pas l'élever à un niveau plus haut que celui que Dieu lui a donné. Hein? Et pour ne pas non plus le rabaisser à un niveau plus bas que celui que Dieu lui a donné, c'est-à-dire, ce n'est pas un être humain non plus comme les autres, dans le sens qu'il a reçu une révélation de Dieu. Donc c'est un prophète et un messager, et à cause de ça, il faut l'obéir et le suivre. Quand il te dit « fais quelque chose », c'est pas de lui-même, c'est Dieu qui lui révèle des paroles et des ordres, et donc, à cause de ça, tu dois respecter ses ordres et l'obéir, pas comme si il était n'importe qui, d'accord? Donc c'est pour ça que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit « abduhu wa rasuluhu » pour éviter toute forme d'exagération ou d'extrême à ce sujet-là. D'accord, pour rester dans le juste milieu. Et donc, le terme ou le fait de dire que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est un serviteur ou un esclave de Dieu, ça c'est une chose en fait qui est un des termes que Dieu utilise pour glorifier les hommes qui sont pieux et les hommes qui sont proches de lui. Il les appelle des serviteurs, comme par exemple les prophètes. Allah les appelle des serviteurs, des esclaves. Alaykoum salam wa rahmatullah. Et donc, être un esclave dans la vie, par exemple dans ce monde, quand un être humain est l'esclave d'un autre être humain, c'est considéré comme quelque chose de rabaissant, c'est considéré comme quelque chose de bas. Mais être esclave de Dieu, c'est considéré comme un honneur, c'est pas considéré comme quelque chose de rabaissant. D'accord? Et la preuve, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, il a traité il a appelé le prophète sallallahu alayhi wa sallam par le terme d'esclave, hein, dans plusieurs versets, hein. Comme par exemple, quand il dit, à propos de la révélation, si vous êtes dans le doute au sujet de ce que nous avons révélé à notre esclave ou à notre serviteur, hein. Donc il a appelé notre esclave dans ce sujet-là de la révélation. Quand il parle de lui lorsqu'il était monté, quand il est monté aux cieux, il dit louange à celui qui a fait monter son esclave durant la nuit, ou bien qu'il n'a pas monté, mais plutôt qu'il a fait faire le voyage nocturne. Hein? de la mosquée Al-Haram jusqu'à Al-Aqsa. Il en a parlé aussi lors, au sujet de la révélation, il en a parlé dans le défi que Allah subhanahu wa ta'ala a donné au sujet du Coran. Si vous êtes dans le doute au sujet de ce que nous avons fait descendre sur notre esclave ou sur notre serviteur. Donc, le cheikh il dit que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tous ces versets-là nous montrent que c'est un esclave d'Allah subhanahu wa ta'ala, un serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il est un messager aussi. Donc, il est un esclave. On n'a pas le droit de l'adorer. Pas le droit de le prier, on n'a pas le droit de l'invoquer, de lui demander quoi que ce soit. C'est pas comme les chrétiens, qu'est-ce qu'ils font avec Jésus? On n'a pas le droit de faire ça, hein. Parce que j'ai entendu une histoire une fois, supposément une femme musulmane, elle est devenue chrétienne. Hein. C'est parce que cette femme, elle a pas connu l'islam. Elle a pas compris vraiment le tawhid. Elle a pas compris la ilaha illallah, qu'est-ce que ça signifie. Et donc, elle est devenue chrétienne. Comment elle est devenue chrétienne? Elle est allée, elle a prié le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour que le prophète guérisse son fils. Et elle a vu que son fils n'est pas guéri. Elle a prié le prophète Jésus et son fils est guéri. Alors elle a dit, ah ben ça veut dire que le christianisme c'est la vérité. Et là elle est devenue chrétienne. Ça prouve que c'est une personne ignorante. Qui connaît pas la définition de la ilaha illallah et qui comprend pas comment fonctionnent les choses. Ok? Parce que premièrement, en partant, c'est haram, c'est interdit, c'est shirk de prier un être humain. Peu importe qu'est-ce qu'il est comme être humain, si c'est un prophète. T'as pas le droit de prier le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et si tu pries le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tu quittes l'islam. Tu sors de l'islam. Tu n'es plus musulman, même si tu dis la ilaha illallah, tant que tu ne t'es pas repenti d'avoir fait ça et que tu refais ton témoignage de la foi, encore une fois, pour revenir à l'islam. Parce que ça, c'est un acte d'idolâtrie, de shirk. Hein. Donc, c'est pas permis de demander au prophète, même si, quand tu lui demandes, même si ça arrive, ça veut pas dire que c'est juste, ça justifie ce que tu as fait, ce que tu as demandé. La même chose pour le prophète Jésus, ou n'importe quel autre prophète, Moïse, ou Abraham, ou Jacob, ou les anges, ou n'importe qui, ou bien les idoles, ou les dieux que les gens ont inventés, en dehors de ceux-là, ça prouve pas que si tu leur demandes quelque chose et que tu es exaucé, ça veut pas dire que tu as le droit de les adorer en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, d'accord? Donc c'est ça, beaucoup de gens sont trompés. Du fait qu'ils vont à la tombe d'un homme saint, ou ils vont devant une croix, ou une statue, ou une idole, et puis ils demandent quelque chose, et ils trouvent la chose qu'ils ont demandé, et donc ils pensent que ça justifie l'idolâtrie qu'ils ont fait. Et au contraire, souvent c'est le shaitan qui les a trompés à croire ça, alaykoum salam, et étant donné qu'ils se sont détournés d'Allah, Allah les a laissés se dévier, s'égarer plus encore, à cause de ça. Hein, en leur donnant ce qu'ils voulaient. Donc c'est pour ça. Il faut comprendre donc que c'est seul Allah qui mérite d'être adoré. Et des fois quand je parle avec des chrétiens, je leur explique l'islam, je leur dis, on n'a pas le droit d'adorer Jésus. Qu'est-ce que vous faites en priant Jésus? C'est de l'idolâtrie. C'est interdit, même Jésus lui-même, il n'a jamais dit aux gens, adorez-moi. Jamais. Quand je leur dis ça, ils me disent, oh mais vous priez Mohammed. Et moi je lui dis non, au contraire, celui qui se dit musulman, qui prie au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il quitte l'islam, il sort de la religion musulmane, automatiquement. Quiconque dans la religion musulmane invoque ou prie ou adore quoi que ce soit en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'est plus musulman, il a quitté l'islam, il doit refaire son témoignage. Se repentir, refaire son témoignage et revenir à l'islam. Hein? Ça, c'est quelque chose de très important à comprendre. Beaucoup de gens, ils ignorent ça. Donc, donc c'est un serviteur, on n'a pas le droit de l'adorer, et c'est un messager, on n'a pas le droit de rejeter ce qu'il nous donne, ce qu'il nous ordonne. Hein? On n'a pas le droit de rejeter ses ordres. on doit le suivre. Donc, il n'a rien de l'adoration, comme le Cheikh il dit. فَهُوَ عَبْدٌ لَا يُعْبَدْ صلى الله عليه وسلم وَرَسُولٌ لَا يُكَذَّبْ بَلْ يُطَاعُ وَيُتَّبَعُ فَلَيْسَ لَهُ مِنَ الْعِبَادَةِ شَيْءٍ فالذين يطلبون منه المدد ويطلبون منه النصر على الأعداء ويطلبون منه قضاء الحاجات وتفريج الكربات هؤلاء رفعوه من العبودية إلى الألوهية والعياذ بالله ما أقروا أنه عبد الله بل جعلوه شريكا لله في ربوبيته وإلهيته والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. Donc le cheikh il dit que ceux qui vont demander l'aide ou le support ou la victoire contre les ennemis au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et qui lui demandent de les sauver de leur malheur ou de leur enlever des difficultés ou des choses de ce genre, ils l'ont élevé de son statut de serviteur et d'esclave de Dieu, et ils l'ont élevé au statut de seigneur ou de souverain avec Allah. Et ça, c'est interdit de faire ça, de ramener, de mettre un être humain au niveau de Dieu, comme les chrétiens ont fait avec Jésus. Jésus qui est un être humain créé par Allah, hein, qui est un messager envoyé par lui pour le peuple d'Israël, eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris cet homme-là, ils l'ont élevé à un niveau de divinité. Hein? Ça c'est interdit de faire ça. Donc, comme le cheikh il dit, personne n'a le droit d'être adoré excepté Allah. Hein? Et le messager, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a dit aux gens, aux compagnons du prophète, à ses compagnons qui étaient avec lui, il les a avertis, hein? Il a pris beaucoup de précautions pour les avertir, pour pas que les gens fassent la même erreur que les chrétiens, qu'est-ce qu'ils ont fait auparavant. Il leur a dit, n'exagérez pas dans ma glorification comme les chrétiens ont fait pour le fils de Marie. Je ne suis qu'un serviteur, je ne suis qu'un esclave. Alors dites serviteur et esclave de Dieu et messager, son messager. Ne dites pas des choses pour commencer à me glorifier, pour exagérer dans ma glorification, pour que par la suite vous tombiez dans la même erreur que les chrétiens, qu'est-ce qu'ils ont fait avec Jésus, fils de Marie. Hein? Donc là aujourd'hui il y a des groupes parmi des musulmans qui sont tombés dans la même erreur que les chrétiens aujourd'hui, et qui chantent des chansons, des poèmes, et qui fêtent l'anniversaire de la naissance, fêtent la fête de la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et lors de ces occasions de fête, ils chantent des poèmes et des chansons qui glorifient le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais en même temps qui exagèrent, hein, et qui lui attribuent des formes d'adoration et des qualités divines, qui attribuent au prophète sallallahu alayhi wa sallam la connaissance de l'invisible, ou qui prétendent que c'est lui qui peut les sauver, qui peut les guider ou qui peut faire des choses de ce genre. Et ça, c'est interdit dans l'islam de faire des choses comme ça. Mais la plupart des musulmans, ils ne connaissent pas, comme on l'a dit tout à l'heure, les fondements de la religion. Beaucoup des musulmans sont illettrés, ils n'ont jamais étudié le Coran, ils n'ont jamais étudié les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont grandi dans un environnement où des formes d'idolâtrie sont appliquées, sont pratiquées, ils ont grandi là-dedans depuis qu'ils étaient tout petits. Ils n'ont jamais fait l'effort ou pris le temps d'apprendre leur religion comme il faut. Et donc, étant donné en même temps que maintenant, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que ça a été mélangé avec la coutume et avec le folklore et avec toutes sortes de traditions. Et donc, les gens font ces choses-là et ils s'imaginent que c'est correct. Ils s'imaginent que c'est permis. Plein de choses comme ça dans le monde musulman sont pratiquées par des musulmans au nom de la culture et au nom de la coutume et au nom des traditions. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Et donc c'est des choses qui doivent être dénoncées, qui doivent être rejetées, qui doivent être corrigées, Et c'est du devoir des musulmans qui ont compris et qui ont su la vraie signification de la ilaha illallah d'aller enseigner ces gens-là la signification de la ilaha illallah pour leur expliquer et pour les ramener à la bonne compréhension de l'islam. Donc, le cheikh il dit par la suite, يقول الله سبحانه وتعالى ليس لك من الأمر شيء. ليس لك من الأمر شيء. أو يتوب عليه أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. الله سبحانه وتعالى يقول في الآية 128 في سورة آل عمران: l'affaire ne t'appartient pas. Il n'y a rien là-dedans qui t'appartient. C'est pas toi qui va décider lequel d'entre eux qui va se repentir ou lequel on va punir ou on va châtier. Parce que ce sont des injustes. Ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah lui a révélé ce verset-là parce que certains parmi les idolâtres avaient tué des musulmans qui avaient mémorisé le Coran. Hein. Au début de l'islam, les idolâtres, ils torturaient les musulmans, ils tuaient les musulmans. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans la prière, il a fait une invocation à Dieu, il a demandé à Dieu de maudire ces gens-là qui avaient tué ces personnes-là. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui a répondu en lui révélant ce verset-là. L'affaire ne t'appartient pas. Laysa laka min al-amri shay. C'est pas toi qui décides qui va être maudit, qui va pas être maudit. Hein? Qui va se repentir, qui va devenir musulman, qui va être puni dans l'enfer. C'est pas toi qui décides. C'est-à-dire, Allah subhanahu wa ta'ala a dit au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est pas toi qui décides qui va être guidé, qui va pas être guidé. C'est pas toi qui décides qui va être maudit, qui va pas être maudit. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui décide. C'est Dieu qui décide ces choses-là. Hein? Donc, et dans un autre verset, قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. ففي الآية 188 من سورة الأعراف كيف تسدي تسدي دي تسدي الله سبحانه وتعالى il leur donne Dieu il leur donne au prophète Muhammad صلى الله عليه وسلم de dire aux autres personnes: je ne possède rien pour moi-même, pour vous nuire ou pour vous profiter, excepté par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si je connaissais l'invisible, si je savais l'inconnu, l'invisible, l'avenir, j'aurais amené tout le bien vers moi et j'aurais fait en sorte que aucun mal ne me touche. Mais la preuve qu'il ne connaît pas le rêve, qu'il ne connaît pas l'invisible, c'est que parfois, il y avait des malheurs qui tombaient sur lui, parfois il avait des épreuves, parfois il avait des difficultés dans sa vie. Ça prouve qu'il ne connaissait pas l'invisible. D'accord? Et ça me fait penser à l'exemple, comme on dit souvent, même à propos de Jésus, même dans le livre des chrétiens aujourd'hui, ils disent des paroles qui montrent que Jésus lui-même, il disait non, moi je ne connais pas l'invisible. Hein? Quand on lui demandait par exemple, quand est-ce que va être l'heure du jugement dernier? Il lui disait, personne ne sait l'heure. Ni les anges, ni Dieu, ni les anges. Seul Dieu connaît l'heure. Ça prouve que il n'est pas Dieu et il ne fait pas partie de Dieu. S'il était Dieu ou s'il était trois en un avec Dieu ou s'il est un des trois qui forment la personne divine, comment un peut le savoir et l'autre l'autre ne sait pas, c'est une contradiction. Ça se peut pas. Hein? Si Dieu le sait, puis lui ne le sait pas, ça veut dire que Dieu et lui ne sont pas la même personne. Hein? Donc c'est la même chose. Il n'y a aucun prophète qui est venu aux hommes pour dire, moi je sais la même chose que Dieu. Tout ce que Dieu sait, moi je le sais moi aussi. Personne. Aucun des prophètes, il peut dire une chose comme ça. Si quelqu'un dit ça, il n'est pas croyant. Il n'est pas musulman même. D'accord? Si quelqu'un croit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam connaît l'invisible, il n'est pas musulman. Hein? Il y a des soufis comme ça qui chantent des chansons qui disent ça. Wa inna min ilmika ilmu al-lawh wal-qalami. Wa min ulumika ilmu al-lawh wal-qalami. Il prétend que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a la connaissance de ce qui qui est écrit dans les tables préservées où Dieu a écrit tout le destin de l'humanité et de la création. Donc, ça c'est une façon de lui attribuer la connaissance de l'invisible. Et ça c'est une forme de shirk dans l'asma ou sifat. Ok? Donc ça c'est contraire à la foi de l'islam. Et il y a un autre exemple que le cheikh a mentionné. Ok. Aucun mal ne m'aurait touché. Je ne suis qu'un avertisseur et un annonciateur de bonnes nouvelles pour les gens qui ont cru. Pour les gens qui ont cru. Et il mentionne un autre verset. C'est le verset 21 à 23 dans Sourate Al-Jinn. Ok. Qu'est-ce que ça dit? Ça dit, قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, dit, Allah ordonne au prophète, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, de dire aux gens, je ne possède pas le pouvoir de nuire, ni de guider les gens. Et il dit aussi après, Allah lui ordonne de dire, dit aux gens, je ne peux pas, personne ne peut me protéger contre Allah, et je ne peux pas trouver en dehors de lui personne vers qui me réfugier. Hein? Donc c'est pour dire que même le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas de pouvoir pour lui-même pour faire du bien ou pour nuire ou pour faire du bien à quiconque, excepté par la permission d'Allah. Donc on ne peut pas croire en lui comme si c'était Dieu ou un être divin, comme les chrétiens ont fait avec Jésus par exemple. Ça c'est une forme d'exagération, et ça, ça les a fait tomber dans l'idolâtrie. Après, le cheikh dit « Wa qawluhu wa rasuluhu hada raddun ala ahli al-tafriq alladhina la yuqaddiruna al-rasul sallallahu alayhi wa sallam haqqa qadrih imma yajhaduna risalatahu sallallahu alayhi wa sallam wa imma annahum yuqirruna bi risalatihi walakinnahum la yattabi'unahu al-ittiba' al-matlub fahaula lam yashhadu annahu rasulullah وشهادتهم إما باطلة وإما ناقصة باطلة إن كانوا لا يتبعونه أبدا وناقصة إن كانوا يتبعونه في بعض الأشياء ويخالفونه في بعض الأشياء رغبة لنفوسهم وشهواتهم. Donc le cheikh il explique maintenant qu'est-ce que ça veut dire quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il est son esclave. On a expliqué ce que ça voulait dire, maintenant il explique qu'est-ce que ça veut dire quand il dit qu'il est son messager. Il dit que ça c'est pour réfuter l'autre extrême, des gens qui ne donnent pas au messager d'Allah le droit qui lui revient. Donc il rejette sa prophétie, il rejette le fait qu'il est un prophète et un messager de Dieu. Et soit qu'il ne croit pas du tout à son message, ou bien soit qu'il croit en son message mais qu'il ne le suive pas comme il faut. Hein, donc ceux-là, ils n'ont pas réellement témoigné du fait que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est un messager d'Allah. Et le cheikh, il dit que leur témoignage est donc faux ou bien incorrect ou imparfait. Hein, il est défaillant, il y a un problème dans leur témoignage. Il est faux s'ils ne le suivent pas du tout, et il est défaillant ou il est imparfait ou incomplet si ils le suivent seulement dans certaines choses et qu'ils le contredisent dans d'autres choses dans le but de suivre leur passion. Dans ce cas-là, c'est une façon, c'est-à-dire ils ne suivent pas le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme ils sont supposés de le faire. Et le cheikh il dit par la suite, « Wa qawluhu wa rasuluhu hadha raddun ala ahli al-tafriq wa al-tasahul » في حق الرسول صلى الله عليه وسلم فهو أعظم الخلق وأشرف الخلق وأفضل الرسل فلا يتساهل في حقه ولكن ليس معنى ذلك أو ليس معنى هذا أننا نغلو فيه ونجعل له شيئا من الربوبية فلا إفراط ولا تفريط. Donc il dit que également quand on dit qu'il est son messager, ça c'est une réfutation pour également pour ceux qui négligent, ils sont négligents ou ils prennent à la légère le droit du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que il faut pas oublier que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam c'est la plus importante des créatures d'Allah et la plus noble d'entre elles et le meilleur parmi les messagers, et donc il ne faut pas prendre ça à la légère, hein. Et ça ne veut pas dire non plus qu'on doit exagérer à son sujet, puis commencer à lui donner des attributs divins, ou bien de l'adorer en dehors d'Allah. Donc il ne faut pas être dans un extrême, ni dans un autre. Il faut être dans le juste milieu au sujet du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui, puis la semaine prochaine on va continuer à partir de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, où il dit que Jésus est le serviteur d'Allah et son messager. D'accord? Parce que aujourd'hui on n'a pas le temps de rentrer dans les détails de cette partie-là, sinon on va dépasser le temps, puis on n'aura pas le temps d'aller jusqu'au bout. Et puis vous allez être trop fatigué. Donc, on va s'arrêter ici. Subhanakallah wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayhi.